bah envoyez la pub. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. France Inter, il est 17h. Les infos, Dominique Delarroy, bonjour. Bonjour, un élève de première d'un lycée de Reims gravement blessé lors d'une agression ce matin. L'adolescent aurait reçu un coup de couteau aux abords de l'établissement lors d'une bagarre sur fond de rivalité entre deux quartiers difficiles de la ville. La fermeté et le soutien à la police, voilà ce que Manuel Valls et Bernard Cazeneuve sont allés répéter ce matin dans des commissariats de l'Essonne après l'attaque au cocktail Molotov contre quatre agents à Viry-Châtillon. Le Premier ministre a promis d'appréhender et de juger sévèrement les agresseurs avant de se rendre à l'hôpital au chevet du policier qui est encore entre la vie et la mort. Les syndicats de police réclament plus de moyens. Alliance appelle les policiers de l'Essonne à faire une grève du zèle et à ne répondre qu'aux urgences. Le Parti des Républicains, lui, demande la démission du ministre de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve qui met la pression sur les Britanniques à l'approche du démantèlement de la jungle de Calais pour qu'ils ouvrent plus largement leurs portes aux jeunes migrants qui ont un lien familial au Royaume-Uni. C'est un devoir moral, selon le ministre qui a fait un voyage éclair à Londres aujourd'hui. Le ministre de la Ville, lui, Patrick Kanner, est venu en pompier tenter de convaincre le maire d'hiver gauche de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, de renoncer à suspendre le contrat de ville, qui n'a rien à voir, selon lui, avec le centre d'accueil de 38 demandeurs d'asile. La ville n'en veut pas et le dialogue a tourné court au bout de 45 minutes. À Saint-Gaudens, Stéphane Iglesis. Le maire de Saint-Gaudens persiste et signe. Il ne veut pas du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, du moins à cet endroit-là, et il suspend toujours sa participation au contrat de ville. Les 58 000 euros dédiés aux associations d'aide de ce contrat sont donc en danger. C'est aussi une TVA réduite pour l'achat de logements sociaux qui ne pourra pas s'appliquer. Jean-Yves Duclos, le maire d'hiver gauche de Saint-Gaudens. Ce n'est pas en portant des arguments, notamment par rapport à des subventions éventuelles ou autres. Vous savez, on connaît le système. Si tu fais ça, tu auras la subvention, si tu ne fais pas, tu n'auras pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, moi, ce que j'ai rappelé, c'est qu'aujourd'hui, tenir, une erreur grossière a été commise par l'État. C'est d'implanter un projet, quel qu'il soit, dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, sans aucune concertation, sans aucune discussion. Le ministre de la Ville, Patrick Kanner, déplore ce dialogue de sourds. Et en aucun cas, cette implantation de CADA ne pouvait remettre en cause la politique de la ville. Et monsieur le maire, en suspendant sa participation au contrat de ville, va priver, de fait, une série d'apports de la part de l'État pour les concitoyens de Saint-Gaudens. Quant aux élus régionaux et départementaux, ils indiquent vouloir se battre pour une action collective et pour contourner cette opposition municipale. Les 38 réfugiés demandeurs d'asile seront bien installés prochainement, a conclu le ministre. Saint-Gaudens, Stéphanie Iglesis, France Inter. Le réfugié syrien... L'ivraie, je me prépare autour des motivations pour arrêter de fumer et de la dépendance du fumeur, des conseils pour compenser le manque et mieux équilibrer son alimentation et un agenda sur un mois que décrit Pierre, pharmacien dans le centre-ville. Tous les jours, on vous donne un conseil. Le premier jour, on est motivé. Si on prend le dernier jour ? Le dernier jour, c'est après un mois sans tabac, on a 5 fois plus de chances de rester non-fumeur définitivement. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Ben, je dis que c'est peut-être plus facile pour beaucoup de personnes d'être accompagné par un médecin ou par un tabacologue pour pouvoir arrêter de fumer. Ce kit peut être utile ? Faut essayer, de toute façon. Faut essayer et il y a certainement plus de la moitié des gens qui vont réussir à arrêter de fumer sans artifice. Les fumeurs sont donc incités à arrêter pendant 30 jours à partir du 1er novembre. Des spots télé renforcent l'opération. Pierre, le pharmacien, a reçu 6 kits mois sans tabac pour démarrer cette campagne. Il en a commandé d'autres et il a arrêté de fumer de lui-même il y a 3 ans. Georges, un client de la pharmacie, lui, a arrêté. Parce que j'ai fait un infarctus et donc du jour au lendemain, j'ai arrêté. J'ai jugé que c'était obligatoire pour rester en vie, quoi. Voilà. Lyon, Claude Cordier, France Inter. L'État n'a pas l'intention de nationaliser les chantiers navals de Saint-Nazaire, mis en vente par leur maison mère sud-coréenne, STX, mais Bercy suit le dossier de près et veut avoir son mot à dire dans le choix du repreneur. Et un gros contrat bienvenu pour Alstom, qui décroche avec plusieurs partenaires l'extension de la ligne du métro de Dubaï, un contrat de plus d'1 milliard d'euros. Nous allons à la bourse en belle hausse, Antoine Verlin. Effectivement, Dominique, le CAC 40 s'apprécie actuellement d'un 0,7%. Il est à 4 497 points, avec un agenda dépourvu d'indicateurs économiques importants. La séance s'annonçait pourtant assez calme, mais voilà, c'était sans compter sur le rebond des cours du pétrole. Suite aux déclarations de certains responsables de pays producteurs, les investisseurs spéculent à nouveau sur une prochaine réduction de l'offre d'or noir pour soutenir les prix. Ainsi, le baril de brut gagne en ce moment plus de 3%. Et côté valeur, eh bien, Technip reprend 2,02%, total 1,68%. Vallourec s'offre même un bon de 5,82%. ArcelorMittal en tête du CAC 40 gagne 3,27%. Le sidérurgiste profite encore du droit anti-dumping institué récemment par l'Union européenne sur les importations de certains produits en acier originaires de Chine. Quant à Alstom, vous en parliez, bien là la progression est de 1,31%. L'euro se négocie à $1,55. À Wall Street, le Dow Jones progresse de 0,82%. Le CAC 40 lui gagne 1,07% à 4 498 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse pour France Inter. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir. Laurent Goumard. Deux heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce lundi, le énervé monte sur scène. Avec Philippe Cobert, l'acteur de Molière passe son bac. Avec Fabrice Benichou, le boxeur, fait son one-man show. Et puis en deuxième partie, on se demandera, ils en sont où les labels indés dans l'industrie du disque? Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter. À partir de 22h. Bonjour patronne. Bonjour Pierrot, alors ce dos? Oh, j'en suis au point de laisser mon voisin s'entraîner au massage sur moi. Oh. Bah oui. D'ailleurs, il me parlait de coaching santé. Notre mutuelle n'aurait pas ça par hasard? Du coaching santé? Oui. Tu sais, les trucs d'américains, moi. Et puis t'as des voisins sur qui compter, c'est formidable. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Pierrot aurait pu profiter d'un coaching santé personnalisé. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Alors ces visites pour louer ton studio, ça s'est bien passé? Épuisant, j'ai beaucoup de dossiers. Et tu as fait ton choix? Ah mais c'est très compliqué, entre ceux qui n'ont pas de CDI, pas de caution, comment savoir? J'ai ta solution, prends un locataire garanti Visal, un dispositif d'action logement qui couvre tes éventuels loyers impayés. Une caution solide et en plus totalement gratuite. Tu devrais aller voir sur visal.fr. Visal, tu dis. Bonne idée, je me connecte tout de suite. Eh oui, avec visal.fr, tu peux louer en toute sécurité. Visal est un dispositif action logement soumis à conditions à consulter sur le site visal.fr. France Inter, bientôt 17h08 à 18h, Florence Paracolos pour les infos. Et que vois-je, Charline Van Hennecker? Oui, moi aussi, je vous vois, Dominique Delarroix. Bonsoir. Vous êtes beau. Merci. Vous avez retrouvé votre pull? Oui, oui. Ah ben, ah. Vous dites tout, vous. Oui, ben, bah, oui, évidemment. Oui, je ne dis pas le reste, hein, ce qui manquait. L'auditeur doit savoir. Voilà, c'est vrai que... Vous avez couché avec Dominique Delarroix? Non, nous nous succédons dans un petit pas encore. Ah, voilà. D'accord. Des fois, je mets mes petites affaires, je vais voir Dominique, est-ce que je n'ai pas oublié une paire de lunettes? Et voilà. Chose, voilà, enfin, bon, c'est notre vie intime, merde, vous n'êtes pas Karine Le Marchand non plus, merde. Bon, on peut y aller? Oui, à bientôt. Merci Dominique, écoutez comment nous avons préparé cette émission. Salut les amis! Salut Charline! Ah bah alors, petite ambiance! Ouais, c'est lundi! On va trouver l'énergie! Ah bah il y a intérêt parce qu'on reçoit Alain Guillard, philosophe! Oh là là! Quoi encore? J'ai déjà mal de tête! Oh alors, mais non, on a de la chance en plus, c'est un philosophe itinérant! Oh, ah bah c'est sûr, pour aller dans certains coins de France, il faut être philosophe! Oui, bah, ça va, spirituel ça! Bon alors, les sujets! Ouais. Dans le monde diplomatique, il y a un article sur le bonheur au bureau! Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? On est mal placé pour en parler! De toute façon, c'est pour l'invité! Non mais s'il est itinérant, il sait pas ce que c'est un bureau! Et puis s'il est philosophe, il sait pas ce que c'est le bonheur! Bah nous ici, dans bureau, on est heureux, voilà. Ouais, oui, ouais. Dans l'article, ils expliquent que dans certaines boîtes, il y a des chief happiness officers. Des quoi? Des chief happiness officers. Des quoi? Des responsables en chef du bonheur. Oh, ouais, mais on ne connaît pas, on n'a pas ça, nous. Ah bah, bien sûr que si. Ah bon, hein. Bah j'en vois pas, moi. Dans le bureau, quoi? Il y a bien quelqu'un qui s'occupe d'essayer que tout le monde soit heureux, quand même. Ah bon, Mais si, c'est quelqu'un qui, tous les matins, arrive avec le sourire et qui essaye de le partager avec les autres. Non, je vois pas, là, honnêtement, je vois pas. C'est à l'heure du midi pendant qu'on est au déj. Mais non, mais quelqu'un qui se bat pour que vous soyez tous heureux ici. Mais qui? Vous êtes qu'une bande d'ingrats. C'est horrible de travailler avec vous. Je vous déteste. Mais Charline, je crois qu'elle est vexée là. Oh, mais on va prendre ce sujet. On aura des choses à dire sur le bonheur au bureau, du coup. Bah, j'espère qu'au moins elle va le croiser dans le couloir, ce fameux chief happiness officer. Bonjour, la France Inter. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui a une ambition intime pour l'actualité. Voici les trois informations qui vont sortir les violons jusqu'à 18h. La saison des meetings politiques est bien ouverte. Ces séances de transe collective qui soulèvent la foule tout en l'endormant. Hier, pour son zénith, Nicolas Sarkozy s'est inspiré des plus grands concerts de rock. Johnny s'adresse directement au public. Tout le public est là. Absolu, sublime. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Un nouveau métier apparaît dans les entreprises pour favoriser la bonne ambiance au bureau, le Chief Happiness Officer. Littéralement, le chef du service bonheur. Ah, le bonheur, le bonheur, le bonheur, mais t'as plus que ce mot-là à la bouche. Le bonheur, ça me saoule, ok? Ras-le-cul, le bonheur. Les une, deux ou trois roues les plus farfelues s'emparent des rues et obligent les voitures à partager la route. C'est l'alternative qui vient emmerder l'automobile et l'alternatif est de plus en plus innovant. Hé, hey, regardez-moi, les gars. Je pédale plus. Vous avez déjà vu ça? Hein? Et moi je suis accompagnée de celui qui pédale toute la journée pour nous faire une brève, c'est Alex Vizorek. Oui, vous allez dire, je suis accompagnée d'une initiative innovante. Bonjour Charline Van Hoenacker et autour de la table, belle équipe en ce lundi à 17h20. Quand on lui a annoncé qu'il irait sur Canal+, il n'avait pas bien compris puisque dans son agenda, il avait coché tous les premiers samedis du mois. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler? Une sublime chanteuse, elle s'appelle Natalia M. King. Et elle revient aux origines, au blues. Très bien, 17h30 ce week-end, il était prendre un cours de stand-up au Zénith de Paris, sauf que son public n'est pas le même que celui de Nicolas Sarkozy. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Effectivement, oui, j'ai passé un super dimanche après-midi au meeting de Sarkozy. J'ai cherché à en savoir plus sur les fameuses valeurs de la droite. L'autorité. Oui, tout à fait. Ouais, c'est mal barré l'autorité là. Excellent. 17h40. Elle aime la lecture. Et c'est pas un hasard, puisque si on change seulement 5 lettres à lecture, ça donne ivresse. Bonjour Juliette Arnaud. De quoi on va parler? On va parler de la Chine. Et si on change toutes les lettres de Chine, ça fait saké. Très bien. Voilà pour ceux qui ont des idées à nous présenter. Ouais, et voici celui qui va les présider. Vous avez enseigné la philosophie pendant 20 ans à l'université, puis au lycée, avant de pratiquer la philo buissonnière, dans les campagnes, dans les prisons, dans une grotte ou un chapiteau, ce qui vous vaut d'être baptisé le philosophe forain. Vous êtes aussi auteur de romans et de théâtre sous différents pseudos. Vous pensez donc vous êtes... Je suis Alain Guyard. Oh, Guyard, oui. Sur France Inter, Charline Van Hoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. Bonjour Alain Guyard. Bonjour. Vous n'êtes pas Alain Guyard du tout alors. Non, il y a confusion. Ouais. Moi ça commence par comme par une aiguille et ça finit comme par un gros dard peut-être. D'accord, très bien. Alain Guyard qu'on appelle le philosophe forain parce que vous parcourez les campagnes, vous parlez philosophie, il y a quelques bancs comme ça, puis devant une centaine de personnes dans la campagne, dans une grotte pour parler de Platon. Et on peut vous voir aussi au cinéma, dans plus de 70 salles, La philo vagabonde, c'est un film de Johan Lafont. Fort, un film documentaire qui vous suit sur les routes, qui suit vos... Comment appelle-t-on ça? On peut pas appeler ça des conférences, des cafés philo, c'est même plus que bah, ça. C'est pas c'est... trop des cafés philo, c'est plutôt d'abord des bistrots philo, parce qu'ils s'y consomment quand même beaucoup plus de pinard que de café quand même, pour connaître les choses. Hein. Oui, puis enfin, c'est un petit peu des itinérances, voire même un peu des dérives. Mm-hmm. C'était ce que faisait Socrate dans l'Agora finalement, il allait y questionner, sauf que là vous parlez vous. Je parle, mais je questionne beaucoup. Ah. Oui, je questionne beaucoup. Ouais. Alain Guyard, la philo, elle produit de la discrimination sociale. Est-ce que c'est un postulat sur lequel vous partez? Et justement, vous essayez de lutter contre ça en allant porter la philo dans les campagnes ou dans les prisons? Bah, un petit peu, parce que maintenant, la philo est très, très à la mode, elle est très populaire. Et de plus en plus, les gens veulent montrer qu'ils en font, veulent montrer qu'ils en consomment. Et ça devient peu à peu un... comme une espèce de médaille, comme un marqueur social, faire de la philosophie, c'est manière de dire, bon, bah, ça va, j'ai du temps pour lire les livres, j'ai de l'argent pour en acheter, pour assister aux conférences. Et si c'est ça, bah, ça va devenir finalement encore un nouveau moyen de creuser le fossé social entre ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas. Et moi, ça m'intéresse pas du tout, cette histoire-là. Et lorsque je descends, moi, auprès de, bon, bah, d'un public, on va dire, ordinaire, dans des petits lieux, où il se passe de grandes et belles choses, et ben, ce que j'essaie de faire, c'est exactement le contraire, en fait, hein. C'est travailler avec philosophie qui soit un petit peu viscérale, vivante, et puis qui puisse parler à tous. Et même charnel, vous dites, il faut créer le désir, en fait. À fond, C'est ça aussi l'enseignement, c'est susciter le désir d'apprendre. Et on voit très bien dans ce documentaire de Johan Lafort que vous allez à la rencontre de... Il y a des boulangers, il y a des ferronniers, et que quand ils travaillent la matière... Ils réfléchissent, ils ont l'esprit libre pour réfléchir comme ils ont une certaine automatisation de leurs gestes, parce que c'est des professionnels. Leur esprit est libéré pour réfléchir à ce que vous leur expliquez, à la philo. Et donc, il y a un côté charnel, pratique, concret. Comment se passe cet aller-retour entre la philo et la matière? Par exemple, entre la pâte à pain et la pensée? Bah écoutez, moi ce que j'essaie de faire, c'est de briser l'idée selon laquelle la philosophie c'est quelque chose qui se passe dans le ciel des idées. Et de l'autre côté, il y a les gens qui sont sur Terre et qui sont préoccupés par des choses qui sont un peu avilissantes et marquées au sceau de l'urgence vitale. Moi je renverse vraiment la perspective et je soutiens que quand on est vraiment pris dans son existence, et ben, c'est là où aussi on peut être pris par de la pensée. Hein, mettre au jour des mômes, c'est pas simplement qu'une opération comme ça ordinaire, c'est aussi quelque chose qui a une vraie puissance à penser. Vous en voulez aux ouvriers de parler plutôt de foot que de Platon, de Socrate? Les mecs font pas d'efforts, quoi. Je crois qu'on en est là. Mais je crois me souvenir d'un bon film dans lequel il y avait un match de foot entre philosophes qui avait été fait par les Monty Python. Vous vous en souvenez de ça? Magnifique. Ouais. Bah ça peut être un peu mon idéal, on pourrait dire. La Guyard, vous dites aussi qu'il ne faut pas venir vous voir pour trouver des réponses aux questions ou venir vous voir comme dans une force de philosophie du bien-être. Vous allez aussi à la rencontre des gens avec la philo pour foutre la merde. Je vous cite textuellement au départ du documentaire. C'est pour dire aux gens, prenez les risques de remettre tout en question. Oui, parce que l'idée selon laquelle la philosophie, c'est un truc qui est sympa, qui est fun, qui est convivial, qui est bien cool, et puis qui va permettre, par exemple, d'augmenter son capital bonheur, hein, comme on l'a entendu au début de l'émission, c'est quelque chose qui est profondément atroce, parce qu'on pourrait faire ça entre un cours de yoga et puis deux cachetons de style Nox, quoi. Hein. Et puis surtout, ça n'est pas la mission de la philosophie. C'est pas la mission de la philosophie. La philosophie cherche la vérité et pas le bonheur. Oui, et puis elle doit surtout pas avoir peur de la complexité. Et faire honneur à l'intelligence des gens, c'est leur dire, n'ayez pas peur de la complexité et pensez subtil. Mmh. Et Alain Guyard veut aussi créer de l'intelligence collective. On va voir si c'est possible autour de cette table. Ah, oui, je sens que c'est très révolutionnaire comme concept, ça, Alain Guyard. J'ai pas été engagé pour ça ce soir. La philo vagabonde, c'est en salle depuis mercredi dernier, ce documentaire de Johan Lafort sur Alain Guyard et sa philosophie foraine. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, held my hand. C'est Marvin Gaye, bien sûr. Sonnez. Salut, bien sûr. Sur France Inter, nous sommes en compagnie d'Alain Guyard, notre philosophe forain, qui va porter la pensée jusqu'au fin fond des campagnes. Vous pouvez voir dans un très beau documentaire qui s'appelle La philo vagabonde, qui est en salle, un documentaire de Johan Lafaure, qui permet d'avoir et à la fois une forme de best-of, presque, de vos interventions partout, dans une grotte, dans un chapiteau, dans une prison, et puis de rencontrer les gens qui viennent vous écouter, qui sont chez lesquels vous avez créé le désir de philosophie. Oui, bah c'est ça. De toute façon, la philosophie, c'est toujours un désir. Hein. Philosophie, hein, en grec, hein, celui qui est amoureux de la sagesse. Hein. Et Diogène Consultant, c'est le site vers lequel on peut se tourner pour voir où vous faites vos pérégrinations et où vous rencontrez, c'est ça? Absolument, oui, avec un S pour consultant, parce qu'on irradie dans, Diogène dans au moins trois communes. Qu'est-ce qui irradie aussi autour de cette table? C'est l'information. Eh bien évidemment, les philosophes. Pendant 30 ans de ma vie, il va pas pouvoir continuer comme ça. J'ai fait la tournée de tous les bistrots. Le journal de presque 17h17. Ça devient gênant. On commence par les titres. Nicolas Sarkozy s'est présenté avec confiance au meeting du Zénith hier et en déclarant « Je suis inébranlable ». Oui, attention, c'est aussi la dernière phrase prononcée par Robert Rochefort avant d'entrer chez Castorama. Christian Estrosi était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Il ne voulait pas que les électeurs de gauche volent l'élection de la droite. Oui, ça l'a moins gêné quand les bulletins de gauche lui ont permis de gagner les régionales en PACA. Et il y aura des brèves. Oui, ce qui nous changera des longues réflexions d'Alain Finkielkraut. Meeting du Zénith, Nicolas Sarkozy est revenu sur ses propos polémiques d'il y a quelques semaines. Oui, il a déclaré « Dans mes ancêtres, il y a les Gaulois et il y a Aimé Césaire ». Oui, mais il a dû confondre avec Jules Césaire. Il a également déclaré « Cette France de la vie réelle qui est regardée de haut, je veux être son porte-parole ». Excusez-moi, mais porte-parole, la France de la vie réelle, non, on a du mal à l'imaginer. En revanche, porte-parole de ceux qui regardent, sont regardés de haut, par contre, là, il peut le faire. Passons du père au fils, oui. Hein, parce que là, il n'y aura pas de Saint-Esprit, non. C'est sûr. Jean Sarkozy a été arrêté par la police car il était trop pressé d'aller à la messe. Eh oui, oui, oui. Si, il a brûlé un feu rouge avec son Audi Q3 et a répété à plusieurs reprises excédé « J'en ai marre, ça n'arrive qu'à moi, je vais être en retard à la messe ». La laïcité est également un fait incontournable dans notre pays. Voilà, faut toujours écouter papa. Mais oui, alors côté lieutenant, maintenant Christian Estrosi était l'invité du professeur Bourdin. Oui, et la question portait sur le regroupement familial. Le regroupement familial, combien de personnes? Vous le savez, combien de personnes le regroupement familial par an? Oh, le regroupement familial, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes par an. C'est 12 000. Oui. Pas plusieurs centaines de milliers, c'est 12 000. Sur le mandat, très bien. C'est 12 000. Sur le mandat, non, 12 000. 12 000 par an. 12 000. Pas sur le mandat. 12 000. Bon. C'est 12 000 Ah, il sera mieux au troisième trimestre. Société, selon une étude, 50% des Français sont favorables à une autorisation de consommation de cannabis pour les majeurs. Oui, et ça aurait pu être plus, hein, si parmi les personnes interrogées, tous les fumeurs réguliers n'avaient pas oublié la question. Sondage encore. Oui, un sondage OpinionWay montre qu'un Français sur deux imagine sa vie amoureuse freinée en cas de psoriasis. Ah, ça c'est marrant parce que c'est exactement le même nombre de Français qui estiment que les sondages, c'est le psoriasis du débat démocratique. Mais merci pour cet édito de qualité. Le Nobel d'économie décerné à Olivier Hart et Bengt Holmström pour leurs travaux sur ce qu'on appelle la théorie du contrat. Oui, Myriam El Khomri salue cette récompense. Elle qui, à travers sa loi travail, milite depuis longtemps pour le fait qu'obtenir un contrat ne soit qu'une théorie. Télévision, après l'annonce du décès de Pierre Tchernia, Arthur se dit bouleversé. Oui, bouleversé. Il croyait que Pierre Tchernia était déjà mort. Venons au clash. Oui, le clash, invité assez polémique. Alain Finkielkraut s'en est pris aux humoristes de France Inter. Oh, putain. En déclarant... Quand j'entends des chroniqueurs, des humoristes, des rubricards, notamment sur France Inter tous les jours, se gausser de ceux qui disent « c'était mieux avant », j'ai déjà une première réponse à leur faire, « c'était mieux avant eux ». Déjà. Oh. Bim ah, ouais, quand même, hein. Là, il nous a quand même. Là, il nous a mouché par un très beau « c'est celui qui dit qui est ». Oui, mais après, il a ajouté « pour vous, Charlie ». Désolé, hein. Bon, je crois qu'on peut dire sans se tromper que la philosophie, c'était mieux avant lui. Passons aux brèves. Oui, allez, c'est une brève de sport, donc vos deux passions. C'est oui, l'entraîneur d'une équipe en Norvège veut récolter le sperme de Zlatan Ibrahimovic, de Cristiano Ronaldo et d'autres grandes stars du foot international pour créer une équipe de Norvège imbattable dans 20 ans. Excusez-moi, mais il aurait déjà pu recréer l'équipe de France de 2010. Ah bon, quoi, tous les joueurs vont accepter de donner ou qu'est-ce non, que... Il retrouve une robe Azaïa et c'est récupéré. Oh, la robe Azaïa, très bien. Allez, la dernière. Oui, la dernière, pardon. Une femme a été hospitalisée pour une boule de cheveux énorme dans l'estomac. Apparemment, André Manoukian l'aurait invité à manger sa spécialité arménienne, les keftas d'agneau, roulés à même le torse. Peut-être sur France Inter. Je ne suis pas loin de penser qu'elle a un film Colcro, t'as raison. Peut-être. Il a... Donc on va se tourner vers Alain Guyard, qui est avec nous. Et on va aborder avec vous le premier sujet. Cette ferveur qui persiste dans les meetings politiques. Même quand il n'y a plus d'idées, il y a des fidèles pour applaudir à tout rompre la parole d'un leader charismatique. Hier, Nicolas Sarkozy au Zénith, demain Emmanuel Macron au Mans. Ils sont encore nombreux à vouloir communier. Nous sommes très contents de voir que vous êtes venus si nombreux pour nous entendre. Et nous remercions tout spécialement les représentants et membres des forces de police de l'Illinois qui agrémentent cette salle du Palace Hotel de leur aimable présence. Nous souhaitons vivement que notre revue vous plaise et n'oubliez jamais qui que vous soyez et quoi que vous fassiez pour vivre ou survivre, nous avons tous, je dis bien tous, beaucoup de choses en commun. Vous, moi, eux et chacun de nous. Les Blues Brothers, bien sûr. Alors, Alain Guyard, un de vos combats, c'est de dire qu'il faut bien nommer les choses pour pouvoir bien nommer le monde, le comprendre et pouvoir dominer le réel. Je ne sais pas si les politiques utilisent le bon mot, généralement pas tellement. Alors, pas les trop. Meetings politiques aujourd'hui, il y en a évidemment tout plein en ce moment avec les primaires. Est-ce que c'est pas finalement plus un divertissement, une façon d'occuper sa soirée? Est-ce qu'on est véritablement citoyen parce qu'on assiste, parce qu'on fait la démarche d'aller à un meeting politique? Non, mais moi, je trouve quand même les meetings vraiment effrayants, parce que d'un côté, il y a celui qui parle et il est rarement l'auteur de son discours. Et puis, c'est des éléments de langage qui ont été choisis, sélectionnés, de telle sorte que c'est une parole sans sujet. Hein. C'est pas finalement lui qui parle. Lui, il est absent et c'est simplement des mots creux qui sont des mots de stratégie. C'est pas des mots habités par une personne et par un engagement. Et puis, en face, il y a des gens qui sont déjà là, convertis à la cause et puis qui ont été sélectionnés très certainement aussi pour venir dans la salle. Donc on est complètement aux antipodes de la démocratie, parce que la démocratie c'est quoi? C'est déjà quelqu'un qui essaie d'énoncer un point de vue qui lui est singulier et qui va s'exposer à un point de vue qui va être différent du sien pour qu'il puisse y avoir une élaboration commune. Et là, il y a la négation des deux côtés. Il y a personne d'à côté et personne en face. Donc il y a nulle part, rien. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de contradiction, c'est le degré zéro du langage et de la pensée. C'est un danger pour la démocratie. Je crois que ce qu'il faudrait faire maintenant, là, sur les mois qui nous séparent des élections présidentielles, c'est engager les forces de police pour interdire et fermer systématiquement tous les meetings. C'est quoi, la bonne démocratie, c'est nuit debout alors? C'est une parole qui va s'exposer à la différence. C'est une parole qui va se confronter à une parole divergente. Et là, moi, quand j'entends un homme politique, j'entends pas une parole, j'entends des éléments de langage. Et en face, j'entends pas un répondant qui ose la divergence. Donc, on n'est pas dans la démocratie. Excusez-moi, mais en France, nous, ça nous choque, les Belges, il n'y a pas de débat. C'est des gens qui s'exposent leur point de vue et qui ne changent jamais d'avis en écoutant l'autre. Eh ben, c'est ça un débat. Parce qu'en Belgique, c'est différent. Bah, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de prise en compte de l'information qui vient d'en face, mais je sais pas. Mais pourquoi faire? Je comprends pas le principe. Je peux vous expliquer en deux mots. Le débat contradictoire en Belgique, c'est je vais prendre ce verre d'eau, je vais le mettre à gauche. Je vais prendre ce verre de vin, je vais le mettre à droite. Et puis ils discutent, ils font non, mais finalement ils vont arriver à un accord qui dit qu'on va mettre les deux verres au milieu et on va les mélanger. Et de l'eau dans voilà, son vin. Ça c'est voilà, je vous ai résumé le débat façon belge. Si c'est pour Alain... ça que j'ai du pinard, comptez pas sur nous. Alain Guyard, pendant les meetings, on soulève aussi cette ferveur. Est-ce que ça fait diversion, soulever la ferveur avec des mots creux pour finalement empêcher de réfléchir? Parce que il y a un énorme fossé entre cette ferveur, ces cris, etc., et finalement l'endormissement qui est le but à atteindre par le politique. Pas faux, mais moi, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. C'est une espèce de ferveur un peu simulée. Hein, on leur distribue les panneaux au début. Simule, je le savais. Simule. Voilà. Et puis, moi, ce qui me préoccupe, si vous voulez, c'est j'ai presque de la peine et de l'inquiétude pour ceux-là qui prennent la parole et puis qui sont devant cette foule enthousiaste, parce que je me dis que quelque part, il y a quelque chose comme des gens qui distillent une forte ambition politique, mais c'est d'abord des gens qui ont une grande fragilité psychologique et qui ont besoin toujours d'être assurés par ces ferveurs humeur et ses enthousiasmes. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, même plus que de la fragilité psychologique. Je pense que avoir une ambition politique, c'est signifier un symptôme d'une maladie psychiatrique. Plus ou moins qu'un acteur. Plus encore parce que le gars joue son rôle, ne joue que son rôle, quoi. Ah oui. La question qui inquiétait Juliette Armanet. André Manoukian, oui. Sur ce point de vue bien tranché d'Alain Guyard. Et on parlait de la politique spectacle, et bien moi je vais vous parler du seul spectacle qui vaille finalement, puisque c'est un spectacle qui est peut-être un peu plus sincère, c'est celui de celui qui chante et qui s'offre à la foule. Alors, celle-ci, elle est née à Brooklyn. Il y a aussi un autre parallèle avec ce qui est en train de se passer dans le domaine politique, c'est que dans le domaine politique, on revient aux racines. Mais ça peut être des racines qui sont inexistantes, qui n'existent pas, les Gaulois. Maintenant, on a Aimé Césaire, tant mieux. En musique, il y a ce mouvement-là aussi, de retour vers les origines, de retourner aux fondamentaux, comme si le monde autour de nous commençait à devenir un petit peu confus musicalement, parce que je ne vous dis pas aujourd'hui, quand vous voulez faire de la musique avec un ordinateur, vous avez des millions de sons à votre disposition. Et là, on est dans une grande difficulté, puisqu'on ne sait presque plus que choisir. Alors, c'est là qu'il faut revenir à ses fondamentaux. Et pour ça, j'aime bien la leçon d'esthétique de Gilles Deleuze, qui dit que dans les animaux, son animal préféré, c'est la tique, parce qu'elle ne sélectionne que trois informations pour faire son monde. La lumière pour aller au bout de la branche, l'odeur pour sentir la bête et le toucher pour aller dans l'endroit chaud et prendre le sang. Gilles Deleuze. Pour que j'en puisse noter. Voilà, c'est ça. Eh bien, le blues, c'est la même chose. Ah oui. Trois accords. Vous connaissez la blague du musicien de jazz qui sait jouer 3000 accords et qui joue devant trois personnes, et du musicien de rock qui joue trois accords devant 3000 personnes. Le blues, c'est la même chose. Mais pour jouer cette musique, du coup, c'est extrêmement difficile parce que vous n'avez que trois accords. Et puis ensuite, vous avez une seule gamme qui va aller sur ces trois accords et qui n'est même pas une gamme à 7 sons, qui est une gamme à 5 sons qu'on appelle la gamme pentatonique. Donc, c'est comme si on disait à quelqu'un « Vas-y mon gars, fais une prouesse et tu n'as le droit d'employer que 5 mots. » Eh bien, c'est ça le miracle de cette musique. Quand on est jeune et qu'on est musicien et qu'on est plutôt attiré par le jazz et par le blues, on veut tout de suite aller vers le jazz parce qu'il y a des milliers d'accords et parce qu'il y a des milliers de notes, et puis on veut apprendre et on veut en mettre partout. Tout d'un coup, pour rejouer du blues, il faut se brancher à quelque chose de fondamental, et là, ça vous donne... Du coup, on ne peut qu'être sincère. C'est le travail qu'a choisi Natalia M. King. Elle est née à Brooklyn, dans le quartier latino. Elle va prendre la route des hippies, la fameuse route mythique de Kerouac. Elle va s'installer à Los Angeles, puisque c'est la Mecque des États-Unis. Et puis là, il y a une vraie prise de conscience. Si je continue à faire du rock ou de la pop, je vais sonner comme tout le monde. Son parcours passe par Paris. Elle va s'installer à Paris dans les années 90. Et là, un territoire ne vaut que s'il est quitté, comme disait un grand philosophe que je n'ai pas Gilles quitté tout à l'heure. Son blues des origines va lui manquer. Et c'est ici, à Paris, qu'elle va retrouver ses racines. Elle nous livre quelque chose de somptueux, de dépouillé, et qui est vachement plus chouette que les Gaulois de Nicolas Sarkozy, puisque, une dernière chose, le blues, ça vient de la rencontre des Indiens d'Amérique et des Africains. On ne parle pas assez des Indiens d'Amérique qui ont une importance capitale dans l'élaboration de cette musique. Black and blue. In the end you gave me hell. Let's hang this one upon the shelf. I'd rather be by myself. Yes, I believed it's go-go-go-go. Then I saw the other you. As you saw the other me. Not exactly what we thought it'd be. Is it, honey? I got a pain in my heart. Pain in black and blue. Color this crying in my heart. Pain in black and blue. I thought I was born to love ya, but in the end it wasn't you. Wow, Natalia M. King, Painted Black and Blue. Oh yeah, elle sera en concert les 14 et 15 octobre au Jazz Club Étoile de Méridien à Paris et aussi un petit peu dans toute la France, allez checker, mais qu'est-ce que et c'est beau. Et puis il y a un album là que vous avez... Évidemment qu'il y a un album. Il s'appelle comment ? L'album il s'appelle Blues In Till Down. Je fais voilà. Le blues jusqu'à l'aube. Comme, Natalia M. King sur France Inter, merci André Manoukian. Et nous sommes en compagnie du philosophe vagabond Alain Guyard. Vous pouvez voir un documentaire sur sa philo vagabonde qui est sorti en salle mercredi dernier, déjà. Alain Guyard est avec nous. Et puis autour de la table, il y a... Bah, il n'y a que des philosophes aussi. Hein. On a Juliette Arnaud, le tonneau, ça la connaît. André Manoukian. Et bien sûr, on a Guillaume Meurice. Oui. Je pense que c'est son tour. Ben oui, mais moi je voulais, j'ai un petit problème, je voulais aller voter aux primaires de la droite, mais il faut signer une charte, vous savez, qui stipule qu'on doit se reconnaître dans les valeurs donc, de la droite, et moi je sais pas trop ce que c'est les valeurs de la droite, les voleurs de la droite, ça oui, ça j'en connais plein. D'ailleurs Sarkozy l'a redit à son meeting hier, hein, il faut stopper le laxisme qui ronge la justice, le gars est quand même bien placé pour en parler, c'est comme quand Alain Finkielkraut, il écrit La défaite de la pensée, il sait de quoi il parle, voilà, ça c'est les gens qui sont crédibles dans leur domaine, et moi aussi je suis crédible hein, pour parler de Sarkozy, parce que j'y était au meeting hier après-midi. Vous me croyez pas ? Alors expliquez-moi qu'est-ce que vous venez faire. Alors moi je viens en discours au machin de Charles de Gaulle, pardon, Sarkozy. Et hop là, encore un tour dans sa tombe pour le général de Gaulle. Faudrait installer une dynamo parce que le nombre de fois où il se retourne par an, ça ferait de l'électricité. Je me demande même si l'entreprise Général Électrique, ça vient pas de là quelque part, à vérifier. Bon, donc, vous l'avez compris, j'étais aux Élites de Paris avec cette question simple. Quelles sont les valeurs de la droite ? Demandons à un autre militant. Être fier de ces justement de ces valeurs. Vous trouvez que les valeurs c'est d'être fier de ces valeurs. Exactement. Ouais, je sais pas pourquoi mais je sens qu'on va pas trop avancer sur cette question. Les valeurs c'est d'être fier de ces valeurs. Voilà, la fierté c'est d'être heureux d'être fier et la joie bien évidemment c'est d'être content d'être heureux. Non, on va galérer. Mais c'est pas grave, on continue hein. Je suis persévérant. Allons voir une militante hein, toujours avec la même question. Ah bah ça je les ai pas en tête. Bah attendez, vous allez signer un papier, vous Ah bah si, oui, mais je garde une permanence dans le 49. Hein donc, ah bah alors vous devriez me dire les valeurs républicaines de la droite. Je ne veux pas tout vous déballer, mais moi de toute façon les valeurs de la droite, non, je veux pas vous faire un cours. Qui c'est qui les connaît par cœur là, Simone. Ah Simone, elle semblait les connaître par cœur les valeurs de la droite. C'était bon, on allait enfin tout savoir, sauver. Alors Simone, valeurs de la droite. C'est défendre toutes les idées que M. Sarkozy nous annonce. Lesquelles alors, par exemple ? Alors, par exemple, comment dirais-je qu'est-ce qui va tourner là ? Je suis fatigué. Oui, c'est fatigant. C'est fatigant de répondre à une question aussi con. Mais bon, en même temps, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai écrit ce putain de papier, cette putain de charte. Alors, j'ai peut-être une question plus facile pour Simone. Quelles sont les valeurs de la gauche ? Les valeurs de la gauche ? Ouais. Il n'y en a aucune. Aucune, carrément. Alors là, franchement, je vis avec un mari qui est de gauche. Et on salue bien évidemment le mari de Simone, qui n'a donc aucune valeur, hein, si ce n'est peut-être celle de la tolérance, parce que je rappelle qu'il vit avec une sarkozyste. Hein, faut un tout petit peu de self-control et peut-être un soupçon de masochisme. Hein, c'est comme si Juliette vivait avec un vendeur de Volvic. Tiens, puisqu'on parle d'eau, parlons d'eau tiède. Parlons donc Alain Juppé. Est-ce qu'il a des valeurs de droite ? Jamais je voterai pour Juppé. Ah. Ouais. Ma question du jour, c'est les valeurs de droite. Il n'y a pas de valeurs de droite. Je suis de droite, vous savez aussi bien que nous. Gauche, non. Il fait des clins d'œil à la gauche pour avoir les voix, c'est tout. Il n'est plus à droite. Pauvre Juppé, quand même. Avoir un programme tellement réac qui ferait passer la moindre prise de parole de Jacques Attali pour un discours de Lénine et se faire traiter de gauchiste, c'est quand même triste d'en arriver là. Courage Alain, on pense à toi autant qu'au mari de Simone, du coup. Alors, c'est vrai aussi que parfois, la droite, la gauche, ce sont des notions floues. Pour ce monsieur, c'est quoi les valeurs de la droite ? Le respect des gens, de l'accueil. Parce qu'on a l'impression que des fois, la droite, ils ont du mal avec le respect de l'accueil des étrangers, par exemple. Non, il faut se souvenir quand même quand l'UMP, à cette époque-là, a accueilli quand même les Syriens. Quand ça ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, l'UMP a accueilli les Syriens ? Je crois qu'il y a 2 ans, oui. Mais attendez, parce que l'UMP, ils n'étaient pas tellement au pouvoir il y a 2 ans, du coup. L'UMP n'était pas au pouvoir il y a 2 ans. Non, non, non, non, non, non, non. Ah ben non. Il y a 2 ans, c'était les socialistes qui étaient là. Hein. On n'avance pas, on n'avance pas, on n'avance pas. Et puis en plus, les socialistes, les Syriens, ils n'en ont pas accueilli des masses. Hein. La gauche n'a peut-être pas le monopole du cœur, mais la droite n'a pas le monopole du racisme d'État, attention. D'ailleurs, je précise que les termes exacts de la charte sont les valeurs républicaines de la droite. Quelle est la principale valeur républicaine, selon ce monsieur ? La lutte contre l'immigration massive. Vous voyez, quand on habite en région parisienne, vous voyez, on va reprendre le métro, on va se regarder. On veut dire on est 2 sur 30, 2 blancs sur 30. Voilà, attendez, ça c'est Marine Le Pen normalement, non ? C'est un peu ça, oui. Oui, oui, c'est même complètement ça. C'est même complètement ça. Donc les valeurs républicaines, elles en prennent un petit coup dans la gueule. Et oui, parce qu'on dit toujours que Sarkozy est un voleur. Et bon, ça c'est vrai. Mais on oublie toujours que son plus gros larcin, c'est le programme du Front National. Guillaume Meurice, merci. On peut lui demander, Guillaume. Il y en a qui savaient répondre à cette question quand même parmi Non, c'est que des trucs flous. Mais c'est vrai, parce que c'est tellement flou comme allocution que. Mais d'ailleurs, monsieur Guyard, c'est quoi les valeurs de la droite. je crois que il y a plus de valeur ni à gauche ni à droite, parce que les uns comme les autres, ils sont pas en train de penser là la question des fins ou du but de la politique, mais ils sont toujours en train de penser la question des moyens, comment réduire les budgets sur les services publics, comment diminuer la dette. Donc toutes ces questions, c'est des questions qui se posent sur les moyens, sur les moyens techniques, et jamais sur les fins et sur les valeurs. Mais les valeurs de la droite, ça pourrait être la tradition, par exemple. Ah ah, le silence qui suit. Une réflexion d'André Manoukian. Quelqu'un dit que c'était mieux avant ou le pas le conservatisme, vous voulez dire bah, non, le travailler plus pour gagner plus, c'est des valeurs de droite, ça. C'est... Le libéralisme, voilà. Ouais. Mais en l'occurrence, c'était défendu par la gauche. Mais c'est audible. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas vraiment de distinction maintenant entre gauche et droite, mais il y a vraiment chez les uns et chez les autres une volonté de soumettre la politique à des impératifs qui sont techniques simplement et quantitatif et monétaire. Rephilosophons un petit peu avec Alain Guyard qui est avec nous. La philo vagabonde, vous pouvez la voir en salle. C'est un documentaire de Johan Lafaur sur la philosophie foraine d'Alain Guyard, qui est un petit peu un Romain Michel de la philo. En fait. Manuel Valls, il est là. Il vient de me chercher. Je vous suis. On va aborder le deuxième sujet. Car il existe un métier pour lequel les offres d'emploi affluent. Ça s'appelle Chief Happiness Officer. Oh, ça vient évidemment des États-Unis, hein, parce que c'est un métier d'Américain. C'est-à-dire responsable du bien-être au bureau, afin bien sûr d'augmenter la productivité, évidemment. Et nous avons rencontré le responsable du bien-être à Radio France. C'est la vie en couleur, tiens voilà des marchands de ballons, c'est des rires et des fleurs, les manèges tournent à l'unisson. On fait avec ce qu'on peut sur le service public, Rémi Briquet. Et puis ça lui fera un petit peu de droit d'auteur, hein, Rémi. Voilà, exactement. Pour nourrir les colombes. C'est un article à lire dans Le Monde Diplomatique, paru ce mois-ci, celui du mois d'octobre, titré « Direction des ressources heureuses ». Oui, c'est tout à fait ça. Le bonheur au travail, ouais, le bonheur au travail, le bien-être au travail, parce que le bien-être, c'est peut-être moins ambitieux que le bonheur. C'est un concept foireux. Parce que dès lors qu'on cherche à l'organiser, le bien-être au travail, le bonheur au travail, ça a l'air foireux comme concept. Ah oui, mais c'est complètement foireux, ce qui est foireux, absolument. Ouais. Non, en plus, personne n'est dupe. Enfin, l'immense majorité des gens qui sont condamnés au travail savent très bien que c'est le chagrin, quoi. Enfin, c'est renoncer à des heures qui pourraient être consacrées au jour, à la promenade, à l'amour, à la conversation, à la terrasse de bistrot pour engraisser celui qui nous embauche. Hein. Mais il faudrait d'abord définir ce qu'est le travail. Parce que nous, là, par exemple, des gens nous disent « vous travaillez ». Moi, j'ai pas l'impression de travailler, mais parce qu'on travaille en s'amusant. Mais c'est le travail contraint. Il faudrait parler de travail. C'est le travail contraint. Il est contraint par le salaire. La majorité des cas, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas le salaire. Et si vous n'avez pas le salaire, vous crevez la bouche ouverte. Hein. C'est quand même la réalité des choses. Donc il y a un odieux chantage qui est celui-ci, où tu travailles ou tu meurs. Hein. Quel regard vous portez du coup sur le revenu minimum universel ? Ben, moi, je suis un petit peu gêné, si vous voulez, aux entournures par cette histoire-là, parce que je trouve un peu dommage qu'il soit minimum. pourquoi il ne serait pas maximum, après tout ? Quand il y a eu la Commune de Paris en 1871, les communards, ils ont dit qu'il y avait un droit qu'il fallait défendre, et c'était le luxe populaire. Ah, et je trouve ça magnifique. C'est considérer que n'importe quel enfant du peuple peut un jour être face à un piano magnifique et se dédier à la musique. Mais voilà le combat, mais bien sûr. Alain Guyer, écrit de l'intelligence collective. Alors, dans cet article, on nous explique aussi que ces gens qui occupent ces postes s'occupaient du bien-être des employés. Ils proposent la sieste autorisée au bureau, le yoga le lundi soir ou la réflexologie plantaire le vendredi. Ça, c'est dans une célèbre marque de salade en sachet bien propre où les employés peuvent faire ça. Ça, c'est tous les moyens sont bons pour garder l'employé dans les murs de l'entreprise. On va finir par avoir un syndrome de Stockholm avec sa boîte. Non, c'est un peu ça, l'idée de garder les gens dans les murs aussi. Oui, bien sûr. Enfin, vous vous souvenez ce qui était marqué au-dessus du camp de la mort, l'Arbeit Marktfrei. Oui, voilà, le point Godwin, on y va. 46. Vous auriez pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. Si vous mangez de la salade, vous êtes Goebbels. Voilà. Alain Guyard est avec nous et à côté de lui, il y a Juliette Arnaud. Oui, alors, non, je me fais la réflexion. Parfois, on lit plusieurs livres en même temps. Parfois, on lit dans un état de fatigue très avancé. Oui, ou d'ivresse, Alex. Parfois, on lit distraitement, d'où l'importance de répondre à cette question, deux points, ouvrez les guillemets. Comment sait-on à coup sûr qu'on lit un polar chinois et pas suédois ou lusitanien ? Ah ouais. Quand, dans l'estomac de la victime, le médecin légiste trouve des ailerons de requin, du caviar et des crevettes ivres. Ça, c'est important. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, Il était une fois l'inspecteur Chen, c'est un polar chinois dont l'action se déroule à Shanghai, milieu des années 80, écrit par un auteur d'origine chinoise de 63 ans qui s'appelle, attention c'est parti, j'y vais, Qiu Xiaolong, très joli, et qui même s'il vit aux États-Unis maintenant et depuis 1988 et qui exerce son talent de professeur à l'université de Saint-Louis, Missouri, est bel et bien chinois. Ce livre, c'est la 10e aventure de l'inspecteur Chen. Qui est Chen ? De nature, il est poète et gourmet. Bon, mais il va devenir policier, alors qu'il est diplômé d'anglais pour les besoins de l'économie planifiée. Hein, en Chine, on ne décide pas, quand on est diplômé, d'où est-ce qu'on va travailler. Il y a un système arbitraire des quotas. Donc lui, il est diplômé d'anglais, on lui dit « policier ». Ça marche bien. Le mort, parce que dans un polar, hein, il faut un mort, c'est la base. Là, c'est une ancienne victime de la révolution culturelle. Comme le père de l'inspecteur Chen, et comme dans les réalités, le père de l'auteur, qui eut Xiaolong. Et alors là, ça tombe impeccable, Charline, parce qu'on est en 2016, et que la révolution culturelle, ça date de 1966. Ça veut dire que c'est les 50 ans de l'anniversaire du début de la révolution culturelle lancée par Mao Zedong, qui lui avait surtout servi, la révolution culturelle, elle lui avait servi à quoi, à Mao ? À tuer des gens. Non, ça c'était un moyen. Le but, c'était de se choper tout le pouvoir de l'État et du Parti communiste. Et vendre des livres aussi. Fromage et dessert. Et donc, par là même, effectivement, il a causé des centaines de milliers de morts, des millions de gens brimés, perquisitionnés, soumis de force à des interrogatoires brutaux, forcés à reconnaître en public leur tort, hein, avec des grandes pancartes qu'on leur mettait dessous. Et ils devaient écrire eux-mêmes tout le mal qu'ils avaient fait en étant des capitalistes. Par capitalistes, entendez des profs, des docteurs, etc. Des gens etc. qui travaillent pour Bolloré, par exemple, ils auraient été soumis par à exemple, ça. Par exemple, tout à fait. Et vous aussi, d'ailleurs, oui, parce que vous vrai. Avez fait des études. Pour ça, ils utilisaient une politique qui s'appelait la politique des quatre vieilleries, c'est-à-dire tout ce qu'il fallait détruire, c'était les vieilleries. Il y en avait quatre, les idées, la culture, les coutumes et les habitudes. Hein ? Donc on détruit tout, le travail intellectuel, d'avant 1949. Et vas-y que je te brûle les livres, les œuvres d'art, ça vous rappelle quelque chose ? Hein ? Copieur, les Daesh. Ce bouquin-ci, donc, ne sera pas traduit en Chine. Hein ? Un truc qui me fait assez rire, de son vivant, 10 ans après, ou 15 ans, Mao avait dit, il avait bien été obligé de reconnaître que la révolution culturelle, c'était un peu une erreur. Il avait appelé ça une erreur bien intentionnée. Expression que je vais me garder par-devers moi. Ainsi, la prochaine fois qu'à Noël, j'annexerai de force la place forte moyenâgeuse Playmobil de mon neveu de 5 ans, parce que mes cadeaux à moi se sont révélés décevants et qui braillera, je concéderai une erreur bien intentionnée. Et ça passera crème, c'est historique, ça a fait ses preuves. Les livres, tous les dictateurs, ils les crament et tous les résistants se les passent sous le manteau. Là, par exemple, sous la, dans la Chine de la Révolution culturelle, on se passe sous le manteau Dickens, Conrad, Dumas et autres Kundera. Parce qu'entre autres, les livres, et les polars plus encore, c'est voyager à prix modique et même donner envie de voyager aux âmes timorées et ou ignorantes comme la mienne. Moi, la Chine, avant ce livre, j'en pensais que trop loin, trop grand, trop inconnu, trop communiste, trop capitaliste en même temps, j'y comprends rien, j'ai peur, j'ai froid, j'ai chaud, merci, bisous, merci. Et ça, c'est dommage, en plus d'être idiot. Il y a deux choses qui m'ont fascinée, la bouffe. Il y a des descriptions de nourriture des 8 traditions culinaires de la Chine absolument somptueuses, dont une que je réserve à Guillaume Meurice. L'incroyable tête de Bouddha, qui est un moineau fourré à l'intérieur d'une caille, à l'intérieur d'un pigeon, à l'intérieur d'une courge cireuse. Ou encore, le poisson aux yeux exorbités. Alors là, c'est une carpe cuite, une seconde seulement au wok, avec un glaçon dans la bouche. Et donc, elle est servie avec les yeux qui roulent encore dans les orbites. J'ai adoré. Je ne savais pas si j'étais stupéfiée, fascinée ou horrifiée. Et puis, les combats de grillons. Hein. Nous, en Occident, on fait les combats de chiens. Eux, ils font les combats de grillons. Allez voir sur Internet, c'est à crever de rire. C'est tout petit, comme ça. Et ils se battent à peu près une seconde et demie. Et celui qui a gagné, il fait... Et les Chinois, ils adorent. Je suis fascinée par les Chinois. Voilà, si vous voulez savoir qui est Lu, le Chinois d'outre-mer, qui est un des personnages merveilleux, extrêmement touchant, Il était une fois l'inspecteur Chen, découvrez-le, c'est chez Liana Levy, et je redis le nom d'auteur, qui eut Xiaolong. Comme ça s'entend. Merci Juliette Arnaud. Je vous en prie. Allez, on continue en compagnie d'Alain Guyard, le philosophe vagabond que vous pouvez voir d'ailleurs au cinéma, car un documentaire lui est consacré, le documentaire de Yann Lafort. Et on va aborder le troisième sujet avec vous. Pour faire un doigt d'honneur au salon de l'auto, ce week-end était organisé le salon Autonomie, avec tous les engins qui obligent les voitures à partager leur espace. Les monocycles, les tricycles, les planches à roulettes, les gyroroues ou gyropodes. Vous savez, ces petits systèmes sur lesquels les touristes se mettent, espèce de déambulateur à moteur, quoi, si vous voulez. Et j'en passe, bien sûr. Les véhicules se dirigent vers la ligne de départ. Voici la turbo terrifique pilotée par Pierre de Beaufix, Rufus la rondelle et saucisson dans leur taco souterrain, le sergent grosse pomme et le soldat petit pois dans leur tocard tank, l'inquiétant Al Carbone et sa bande dans leur cavaillac blindé, le célèbre inventeur, le professeur Maboulette, au volant de son auto-aéro-fusoplaneur. Viennent ensuite le caracolant Max Rouge, Malabar et Malabie dans leur fidèle coucou casse-cou, et enfin, en lanterne rouge, dans leur démon grand sport, les deux malfaisants compères, Satanas et Diabolo. Ouais. C'est un pas extrait. Pour spoiler, mais ils vont pas gagner la course. Les fous du volant. Je vous le dis comme c'est. C'est un article paru dans l'Humanité aujourd'hui qui s'intitule « L'auto va devoir partager la rue ». Et c'est vrai que face au mondial de l'automobile, il y avait ce salon autonomie avec tous ces engins qui deviennent de plus en plus innovants, performants. Oui, la performance, bien sûr. Alain Guyard, quand les engins à roulettes viennent slalomer entre les voitures ou obliger la voiture à partager son espace, est-ce que c'est pas un petit peu de liberté conquise avec l'esprit et l'imagination sur la standardisation, les codes et notamment le code de la route ? Il y a la réponse dans la question, hein, si vous séchez. Alors, il peut dire non, et non, je suis pour la voiture et tout ça. Non, moi je suis pour la lenteur. Alors, des fois je me demande si c'est vraiment une bonne solution, parce que très souvent j'ai constaté que les gens qui se chopent des trottinettes comme ça, c'est pour aller plus vite que les voitures, parce qu'ils sont pris dans les bouchons. Et finalement, l'un dans l'autre, comme on dit dans les films suédois, je sais pas si c'est vraiment aussi sympathique que ça, l'idée de dire on va promouvoir ces modes de circulation alternatifs, parce que je les trouve pas du tout alternatifs. Dans tous les cas, c'est quand même une course à la vitesse, c'est une Alain Juppé en skate, vous ne le trouvez pas alternatif? Je ne sens pas trop comme ça. Non, mais le fait aussi que les vélos en partage, etc., il y a de plus en plus de vélos dans la ville, sont autorisés dans certains cas à passer le feu rouge. Là aussi, c'est aussi une recherche de vitesse et ce n'est pas forcément un doigt d'honneur fait au code de la route. Je pense que ça correspond à une espèce de situation d'urgence où il faut effectivement, par tous les moyens véhiculables possibles, aller le plus vite, très souvent d'ailleurs, sur son lieu de travail pour, soi-disant, y connaître à bon heure sans limite avec le patron qui passe le pied. Vous pouvez pas donner envie écologiquement de prendre la trottinette alors qu'on se fait pleuvoir dessus, qu'on conduit nous-mêmes, si c'est pour en plus aller moins vite que la voiture. C'est sûr, c'est sûr. Mais moi, je suis plutôt plutôt défenseur de la marche à pied. De pas en foot grand et puis de rester en terrasse et voir les autres passer en trottinette en voiture. Ça laisse le temps de réfléchir et de philosopher. Exactement. C'est ce que fait sans doute André Manoukian sur son vélo pliable. Et oui, évidemment. Alain Guyard, vous qui parlez philo avec beaucoup de faconde, on dit souvent que ça ressemble aussi au théâtre et au monologue de théâtre que vous faites, et c'est vrai. On a un rôle pour vous. Oh, même plusieurs, c'est l'heure du sketch. Vous connaissez l'émission, on propose à l'invité, il arrive, c'est souligné en vert votre rôle. Hier, Karine Lemarchand a proposé son émission Ambition Intime, c'était des politiciens dans le fauteuil. On s'est dit, mais sur sa lancée, Karine, est-ce qu'elle nous ferait pas des philosophes? On y va, voyage dans le temps. Bonjour, vous êtes dans Digression Intime. C'est l'émission Philosophique People où je reçois des philosophes pour découvrir leur facette intime. Bonjour, vous êtes Platon, c'est ça ? Exactement, c'est moi Platon, l'auteur de la théorie platonicienne des idées. Bien, alors, quel est le secret de cette barbe soyeuse, Platon ? J'évoque dans mes écrits ce qu'on appelle le logisticon. Ah, c'est le nom de votre shampoing ? Non, pas exactement, c'est du grec. Ah, tu ne le suis à la feta alors. Non, c'est pas parce que je suis grec que je ne me lave qu'avec des produits grecs. Ah pardon, c'est de la mozzarella. Mais enfin, arrêtez avec ma barbe, parlez-moi plutôt de philosophie. Ah bah non, c'est pas le concept de l'émission, désolé. Parlez-moi de votre chambre d'enfant. Vous l'appeliez la caverne, je crois. Moi, je vous quitte. Ah bon. Bonjour René Descartes. Bonjour madame. Descartes, quel est votre jeu préféré ? Oh non, là c'est vraiment trop con. Hein. Ah ben vous pensez ? Oui, je pense, oui, donc je suis, tiens. D'accord. Alors notre personnalité suivante vient du pays de la choucroute allemande, des berlines allemandes et des bergers allemands. C'est Nietzsche. Yeah, bonjour, Gott ist tot. Comment ? Gott ist tot, c'est l'allemand, ça veut dire Dieu est mort, ça j'ai écrit ça moi. Oui, bien sûr, bien sûr, je voulais justement revenir dessus. Oui. Vous avez écrit beaucoup de textes, hein, beaucoup de livres, ça fait mal à la tête, des e-books. Yeah. Qu'est-ce que vous avez comme petite habitude ? Un stylo, un crayon, un traitement de texte ? Was ist das ? Non, mais s'il vous plaît, Friedrich, nous avions dit qu'on ne parlait pas de philosophie. Ma das ist nicht philosophie, c'est de l'allemand. Et d'où vous vient cette passion pour les langues étrangères ? Ça n'est qu'une langue étrangère, c'est ma langue maternelle. Mais comment avez-vous vécu cette école maternelle où l'on vous forçait à parler allemand ? Ich bin consterné. Gilles Deleuze, bonjour. Bonjour. Parlez-moi de votre relation intense avec André Manoukian. Bah écoutez, moi j'aimerais juste qu'il arrête de me citer à chaque fois, c'est extrêmement gênant. Mais c'est bien d'être cité à la télévision. Oui, mais pas à la Nouvelle Star, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Et finalement, mon dernier invité est Alain Guyard. Bonjour. J'aimerais remettre en exergue la dualité spirituelle qui découle d'une mise en abîme de la notion d'instinct divin de Rousseau et de refus de l'idée divine de Nietzsche. Merci. Écoutez, je comprends pas. Si on pouvait ne pas parler de philosophie, ça m'arrangerait. Oui. Et mais justement, j'aime parler de philosophie, surtout dans des endroits complètement bizarres. Bah, alors pourquoi vous venez ici Justement. Alain Guyard, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci infiniment. C'était un plaisir. On vous retrouve bien sûr dans les campagnes, dans les prisons. Si vous allez en prison, allez voir Alain Guyard. Mais surtout, allez le voir. On vous conseille d'aller en prison. C'est le conseil Manu Lacœur. Assassinez vos voisins. Bien sûr. Si vous allez le voir ça en va vous salle élever l'âme. Depuis mercredi dernier, La philo vagabonde, c'est le film de Johan Lafort sur l'itinérance philosophique d'Alain Guyard. Merci. Allez, je laisse le mot de la fin à la philosophie. Ah, le bonheur, mais t'as plus que ce mot-là à la bouche. Le bonheur, ça me saoule, ok ? Ras le cul, le bonheur. Une Yaris hybride ? T'as encore été augmenté ? Ben non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois ? Ben ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là ? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Sur France 3, découvrez l'histoire de ceux qui font l'histoire. Souvent qualifiée de fonceuse au langage viril, Nathalie Kosciusko-Morizet est aussi féministe qu'experte de la rupture. Portrait de celle qui paraît tout et son contraire. NKM La Singulière, un document inédit, ce soir à 22h25. France 3, vous êtes au bon endroit. Le 13 octobre, à l'auditorium de la Maison de la Radio, l'éclatant Sergueï Kachatryan interprète le concerto pour violon de Sibelius, un des grands chefs-d'œuvre du XXe siècle. Le 13 octobre à 20h, avec l'Orchestre National de France, dirigé par Giancarlo Guerrero. Un Sibelius lumineux. Réservation maisondelaradio.fr. France Inter. On aime, on vous en parle. Le Festival Lumière 2016, un festival de cinéma pour tous jusqu'au 16 octobre. Le prix Lumière 2016 sera décerné à Catherine Deneuve. Découvrez sur grand écran les classiques de l'histoire du cinéma. Près de 400 séances dans la métropole de Lyon, présentées par de nombreuses personnalités. Retrouvez aussi la récréation, en direct et en public, à l'Institut Lumière, ce vendredi à 16h sur France Inter. Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline Vanhoenacker, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Le programme de ce lundi soir, 18h15, direction les États-Unis. Le grand écrivain Russell Banks est l'invité d'un jour dans le monde. Actes Sud republie dans une nouvelle traduction son roman vieux de 30 ans, Continent à la dérive. À 19h20, le téléphone sonne sur ce qu'on appelle les slashers. Ces gens qui cumulent plusieurs emplois pour joindre les deux bouts par goût ou volonté de gagner plus d'argent. Vos questions 01 45 24 7000 franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé tel. Le journal Florence Paracuelos, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, les policiers de l'Essonne appelés à la grève du zèle.